Là, c'est un essai d'un faible niveau que je fais là ce soir. Puis, premier test du Zoom, alors. En marchant. Très calme là ce soir, c'est vraiment faire un test niveau doux. parking en ligne. Allez, fermer les jours fériés, bon, je vais pas pouvoir aller enregistrer ce que je voulais enregistrer. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont ouverts. Oh, c'est noir ici. Il n'y a pas d'autre accès. Mince. Je vais rater mon truc. Je vais voir, ça m'a l'air raté là. Je reviendrai. Décidément, ce matin, je vais finir à manip et j'ai écrasé le fichier. J'avais enregistré une super belle cloche de Vaise que j'ai perdu. Puis là, parce que j'ai quand même pris un coup de vent. Un test de 10 minutes. Bon. Kit station. Some base. Un peu d'extérieur. L'extérieur, gare. Thank you. ville, le boulot. S'il pleut. D'accord. Ich bin nicht.